احلك عند شنيلي C'est Marrakech, viens sans ta meuf, ça il est tombé, c'est pas la peine. Au quartier y'a plus d'équins, on est tous au bled. Je passerai au Sénégal à côté de Meknes. Des joueurs de Ligue 1, des grossistes en paquet. Ma chasse au Monte Cristo, Ben et Otake. Demande à Anida, Maroc, Tunisie, Algérie. Salem inévitable, au Brésil, mettez pas gay. Jazzy Rice, c'est Salomon bon, quand ils ont mis le Dawa. Je me rappelle avec son Isola Medina. Agadir, je suis rendu une canne d'Hawaï. A Gaza avec Ramon, un gosse d'un Gawa. J'ai pas un impas ici. Rouge vert sur le drapeau. C'est pas le Portugal imbécile. J'pars avec mon équipe, faire du jet ski. Ici les problèmes, on les esquive. C'est mon cocktail et ma chicha. Au platine, Didier Hamida. Du Maghreb à la capitale.